regardé, j'ai vu qu'elle avait un drôle de nez. De rire, elle a éclaté, et c'est mon monde qui a sauté. Je l'ai fait sourire de 3 années, puis on a fait un bébé. Et un lundi, elle a cassé mon cœur. Je crois bien que j'ai quelqu'un d'autre ailleurs. Et ben même, et ben même, et ben même, t'es la même, et je t'aime. Et ben même, et ben même, et ben même, t'es la même, et je t'aime. Baie vitrée, silhouette, colon noir, contre-jour. On a patiné, et c'est la bosse sur ton nez qui me fascinait. J'ai dit que tu méritais que je te fasse un bébé. Une fois ça fait, on s'est disputé. Quand on s'est né, on a recommencé. Et ben même, et ben même, et ben même, t'es la même, et je t'aime. Et ben même, et ben même, et ben même, c'est la même, et je t'aime. Hier soir, au comptoir, je t'avais déjà repéré. Stratégie épuisée, j'ai fait celui qui t'ignorait. J'ai senti contre moi sans se presser, serré on était, je t'ai dévisagé. Sous deux yeux bleus, un nez cassé. Et ben même, et ben même, et ben même, t'es la même, et je t'aime. Et ben même, et ben même, et ben même, t'es la même, t'es la même.